Deuxième temps de notre semaine consacrée à l'histoire de la langue française. Aujourd'hui, nous vous parlons de Nithard, celui qui a peut-être couché sur le parchemin le premier texte en français. Après avoir évoqué hier le travail du grand linguiste Émile Benveniste, et avant demain de nous intéresser à la façon dont on a inventé les mots de la technique au XIXe siècle, ce matin, La Fabrique vous propose un enthousiasmant documentaire de Victor Massé de l'Épinay et Véronique Samouilov, Un crâne fendu et quelques lignes pour la postérité, dernière nouvelle de Nithard. On nous y raconte l'étonnante histoire du petit-fils de Charlemagne, historiographe de Charles le Chauve et considéré comme le premier écrivain de langue française pour avoir posé sur un parchemin les serments de Strasbourg, écrit en langue vernaculaire et non pas en latin. La Fabrique vous propose jusqu'à 10h de plonger dans le 9e siècle et de traverser tous les siècles qui nous en séparent à la recherche de ce Nithard en compagnie de l'écrivain Pascal Quignard, d'Anne Potier, directrice de l'abbaye de Saint-Riquier, de l'historienne Régine Lejean, du linguiste Bernard Cerchiglini, de l'écrivain picardisan Jacques Dulfy et de Paul Christiani. Tout cela jusqu'à 10h dans La Fabrique ce matin. En 843, la flotte normande pille Quintovic sur le bord du fleuve qui s'appelle la Canche, franchit le bras de mer qui s'appelle la Manche, dévaste le port de Hamvik, remonte la Tamise, ravage Londres. En 844, les Northmen, les Normands, sont de retour. Ils mettent à sac les nouvelles abbayes et chapelles des Francs, les anciennes villas et basiliques des Romains, sur les bords de la Somme, sur les bords de la Canche, sur les bords de la Seine, sur les bords de l'Yonne, sur les bords de la Loire, sur les bords de la Garonne. Nithard meurt en les combattant. Mort du comte abbé Nithard, abat cette comesse Nithardus, d'un coup de glaive normand qui le frappe à la tête, il a tout le crâne fondu par le glaive de l'ennemi, capité percussura gladio hostili. Il meurt instantanément, ses jambes le lâchent, son corps s'effondre dans les vagues. On tire son cadavre sur la terre ferme que les mouettes poursuivent en criaillant. On le dénude, sa chair est arrosée de sel, salé perfusum. On revêt le corps d'une étoffe pourpre. On le place sur une litière en bois bordée de cuir. On transporte le cadavre dans un chariot jusqu'à l'abbaye de Saint-Riquier. On l'enterre non pas sous les voûtes comme son père, mais sur le parvis de l'abbaye, directement sous le ciel étoilé du Seigneur du monde. Pascal Quignard raconte. Il est seul, assis sur une chaise, sur une scène blanche de 40 mètres de long dressée au milieu de la nef. Son récit prend corps grâce à trois danseurs et à un faucon, dont les plaintes stridentes nous parviennent parfois des hauteurs sombres de l'église abbatiale. Cela s'intitule « Vie et mort de Nithard », une performance de ténèbres. Nous sommes en novembre 2015, dans la Somme, à l'abbaye de Saint-Riquier, que dirige aujourd'hui Anne Potier. Alors, nous sommes ici, sur le parvis, en haut des marches de l'abbatiale, dont la façade est gothique flamboyant, mais dont les fondations sont évidemment carolingiennes. Vous êtes là, juste à côté, du lieu où ont été retrouvés les ossements de Nithard. Il avait demandé à reposer, non pas là où en général, dans le Saint des Saints, dans l'abbatiale même, mais sur le parvis de l'abbatiale, parce qu'il voulait reposer sous les étoiles où il avait toujours vécu. Un crâne fendu et quelques lignes pour la postérité. Dernière nouvelle de Nithard. Victor Massé de l'Épinay, Véronique Samouilov. J'ai cet avantage d'être un des trois survivants de la découverte des ossements de Nitard. Jacques Dulfy. Puisque en juin 1989, le 17, si ma mémoire est bonne, j'étais avec les gens qui s'occupent de l'abbaye de Sariquet, et Huguéry, qui était le directeur du centre, m'appelle, dit Jacques, Honoré Bernard, que je connaissais un peu, est en train de réaliser des fouilles d'urgence sur le parvis et même en haut des marches de l'abbatiale. Il s'attend, dans les heures qui viennent, à une découverte très importante. En effet, Honoré Bernard, qui était un professeur d'histoire originaire d'Arras, avait lu les écrits d'Arluf, qui était un chroniqueur du XIIe siècle. Arluf dit « Nitard a été enterré dans un sarcophage de pierre qui fut celui de son père, en haut des marches de l'abbatiale de Sariquet. » Donc Honoré Bernard, retirant quelques pierres pour s'assurer de la solidité du sol en vue d'ériger un pilier pour soutenir le portail actuel, tape sur ce qu'il a tout de suite déterminé comme étant un sarcophage. Il était avec deux étudiants. J'arrive, et lui il prenait les photos, et j'ai donc aidé les étudiants à enlever le couvercle du sarcophage. Et aussitôt, sont apparus dans un amas de terre noire, comme rangés dans un fagot, des ossements. Le crâne n'apparaissait pas, j'avais deux cupules crâniennes qui étaient rangées les unes sur les autres. Et Honoré Bernard dit, si c'est le crâne de Nitard, nous le saurons tout de suite, puisque Arluf, qui a assisté à la première exhumation de Nitard, donc au XIIe siècle, spécifie qu'on remarque encore sur le haut du crâne le coup d'épée qui lui a valu la mort. Honoré Bernard, prenant les deux cupules, les rangeant comme un puzzle, aperçut tout à fait l'entaille qui avait déjà été observée par le précédent exhumateur. Et effectivement, en 1989, on extrait ses ossements, reconnaissance du lieu, reconnaissance de ce crâne, reconnaissance de la blessure dont on savait qu'il était mort. Anne Potier. Donc c'est une belle retrouvaille. On sait à l'époque que c'est bien sûr quelqu'un d'important, petit-fils de Charlemagne, historien, c'est un historien guerrier. Et puis on envoie ses ossements dans un laboratoire. Et puis, j'allais dire fin de cette première séquence, parce que, à partir de là, je dirais, redisparaît le squelette de Nitard. Le maire de Saint-Riquier écrit, j'allais dire, sinon désespérément, mais en tout cas avec beaucoup d'insistance, pratiquement tous les ans, en demandant au laboratoire de bien vouloir rendre le squelette, aucune réponse. J'étais convaincu de l'importance du Nitard dès sa découverte, avec la complicité de Philippe Lacoche. J'avais rédigé à l'époque la dépêche AFP, donc qui avait été reprise dans quelques journaux à l'époque, mais qui n'avait pas fait le journal de 20 heures. Hein. Ça me fait penser à la balade pour un cercueil dans Blueberry, hein. il y a ça aussi. Puis j'étais un notisseur, comme au dit Romain Picard. La quête commence. Où est donc Nitard? Qui était-il? Que savons-nous de lui? Tentons de mettre un peu de chair autour de ces os disparus et d'imaginer ce que pouvaient être les idées et les préoccupations qui tempêtaient sous ce crâne fendu. Partons de ce que nous connaissons un peu, son père, Angilbert, son grand-père, Charlemagne. Et commençons là où nous sommes, à Saint-Riquier, où Nitard a vécu. Voilà, donc là nous pénétrons donc dans cette église abbatiale, qui pour une église abbatiale est tout à fait immense. Hein. Paul Christiani. Et donc, je vous dis, à l'époque de Charlemagne, elle avait grosso modo les mêmes proportions. Elle a toujours été dans cette même pierre extrêmement claire et extrêmement lumineuse. Riquier, quand il crée cette abbaye, c'est la 8e abbaye qu'il crée. Les 7 autres ont été créées en Angleterre. Lui-même ayant été initié par des moines irlandais, il va porter ce grand courant d'évangélisation à la fin du VIe siècle, dans cette zone, le nord-ouest de l'Europe, où on n'est pas encore chrétien. Et si Riquier choisit ici donc de mettre cette abbaye sur des terrains qui appartenaient à sa famille, c'est parce que c'est sur la source miraculeuse, qui est un lieu de culte païen depuis des millénaires, que bien sûr, symboliquement, il va poser cette abbaye. Donc Riquier fonde cette abbaye en 625, elle devient royale en 632 par la grâce de Dagobert Ier qui vient ici avec le futur Saint-Éloi pour demander la protection de Riquier. En contrepartie, Dagobert Ier donne à Riquier le fisc royal, c'est-à-dire les revenus de la forêt de Crécy qui est juste à côté, là où il y aura la fameuse bataille de Crécy qui est à une dizaine de kilomètres. Il finira comme ermite dans la forêt que le roi lui avait donnée. Nous avons en face de nous les fondations carolingiennes que l'on devine très bien. Et donc la question est pourquoi Charlemagne choisit ce site pour refonder ici la plus grande abbaye de la Renaissance carolingienne. Donc Charlemagne reconstruit cet ensemble avec Angilbert, le père de Nithard, de 790 à 800. Donc en 10 ans, on reconstruit une abbaye qui va contenir 3000 moines et écolâtres. Donc c'est une abbaye absolument énorme et qui elle-même à l'intérieur d'une grande cité qui comporte plusieurs éléments militaires et portuaires, puisqu'ici c'est un port de mer. Une des raisons pour lesquelles Charlemagne choisit ce lieu, c'est parce que c'est un port de mer et donc on a des communications faciles. Mais il choisit aussi pour des raisons militaires, c'est le quartier général du duc des Francs. Angilbert est aussi duc des Francs, c'est-à-dire général en chef, et il surveille déjà contre les invasions normandes, contre les Vikings, il surveille les côtes depuis l'embouchure de la Seine jusqu'à l'embouchure de l'Escaut. Et ici, nous sommes à peu près à mi-distance entre ces deux points-là. Voilà, donc c'est une zone militaire. Mais il y fera aussi, bien sûr, donc un grand lieu culturel à partir duquel il va, là aussi, refonder un certain nombre de choses, y compris d'abord une liturgie. Angilbert n'est pas à un clerc, mais il est suffisamment informé et intéressé par les choses de l'Église qu'il va, pour le compte de Charlemagne, faire un premier gallicanisme, on pourrait dire, c'est-à-dire avoir effectivement une liturgie qui ne soit pas exactement celle de Rome. Charlemagne aimait deux choses plus que tout. Les forêts, sa fille Berthe. Et Guinard a écrit en latin sur Berthe, elle ressemblait comme deux gouttes d'eau à son père. Même cheveux, même voix très aiguë, même bouche, même empattement du cou, même yeux très grands, ronds, vifs. Le visage toujours ouvert, joyeux, faquillé, laeta, hilari. Même ventre protubérant, ventor, proiector. Berthe eut deux fils d'Angilbert. C'étaient des jumeaux. Le duc de la Francie maritime appela le premier Nithard, le second Arthnid. Mais Charlemagne refusa que Berthe épousât Angilbert. Il craignait pour l'unité d'un royaume qu'il cherchait à étendre. La rivalité entre ses fils suffisait à ses peines sans qu'il y ajoutât à des rapacités de belles filles, des convoitises de gendre. Donc Angilbert et plus tard son fils Nithard sont à la fois abbé laïc, homme de culture, et guerrier, vous l'avez dit. Et ici, il y avait donc des moines et des écolâtres, mais aussi beaucoup d'hommes en armes, beaucoup tout de... Tout à fait, et des bateaux. Donc, à cette époque-là, on est tout ça à la fois. Paul Christiani. Ce sont des aristocrates, ce sont des gestionnaires, ce sont des guerriers, ce sont des lettrés, pour la plupart. Et avec Angilbert, on a ce qu'il peut y avoir de mieux, puisque Angilbert, qui est surnommé dans l'Académie palatine l'Homère de l'Académie palatine, parce qu'il était le seul laïc à parler en plus et à écrire le grec parfaitement. Charlemagne souhaite que de lui procèdent énormément de choses. À cette époque-là, les affaires religieuses sont tout à fait essentielles. Voilà. Et donc les politiques de l'époque vont chercher à avoir la main sur un certain nombre de pratiques religieuses et organiser les choses à leur main. Et donc Charlemagne charge Angilbert de créer une liturgie qui sera celle qui sera appliquée dans l'ensemble de l'Empire, qui est une façon de chanter la messe, une certaine façon pour les moines de prier et une certaine façon de copier et de recopier et de diffuser des textes qui vont servir pour les offices notamment. Juste à côté de cette abbaye, à quelques kilomètres, vous avez l'abbaye de Corbie, où s'est inventée, en même temps qu'à Saint-Riquier, la minuscule Caroline. La minuscule Caroline, vous savez, c'est la lettre avec laquelle nous écrivons encore aujourd'hui. Les Carolingiens, qui étaient vraiment des inventeurs, n'arrivaient plus à lire. C'est-à-dire les textes étaient si compacts, les lettres étaient si écrasées les unes avec les autres, qu'à part quelques-uns, qui arrivaient à déchiffrer avec beaucoup de difficultés, plus personne n'arrivait même à lire. Il a donc fallu inventer quelque chose. C'était ici la plus grande bibliothèque de l'Empire carolingien à Saint-Riquier. Donc Angilbert, le père de Nithard, invente à cette époque la minuscule Caroline. Il invente aussi à ce moment le livret musical. Le premier livret musical de l'histoire de la musique est écrit ici par Angilbert, qui a une nécessité justement de mémoriser les textes pour ses moines. La Renaissance est un temps de révolution technologique dans tous les sens du terme, où effectivement il faut qu'un maximum de gens sachent lire et écrire, ne serait-ce que pour interpréter les ordres du roi et du futur empereur. Voilà. Donc, et pour organiser administrativement cet immense empire. Donc il faut effectivement des lettres plus faciles à écrire, plus faciles à lire, et donc plus faciles à recopier. Et donc diffuser effectivement, ne serait-ce que les fameuses lettres de mission, hein, les fameux Missi Dominici, ou bien les capitulaires de Charlemagne. On a aujourd'hui la chance d'avoir une grande connaissance de cette période, parce que Charlemagne faisait écrire tous ses ordres. Au mois d'avril 800, Charlemagne vient faire ses Pâques dans le monastère de Saint-Riquier, auprès de Berthe et d'Angilbert. Ils partent ensemble pour Rome. Le 23 novembre, Charlemagne entre dans Rome. Le 25 décembre 800, le soir de Noël, dans la basilique dédiée à Saint-Pierre, le pape Léon III pose la couronne impériale sur son front. Carolus Coronatus. La consécration le fait entrer dans l'ordre des évêques. L'acclamation, les citoyens romains, suivis immédiatement du cri plébiscitaire des guerriers francs, en font le maître sur tout le territoire de l'Europe actuelle, le Domitor. Durant l'hiver 813, l'empereur Charlemagne est malade, il se laisse mourir de faim dans la fièvre. Le 28 janvier 814, il expire. Le duc maritime Angilbert le suit dans la mort. Son fils Nithard enterre son père dans l'enceinte de l'abbatiale de Saint-Riquier, ici. Angilbert n'a jamais passé toute sa vie à Saint-Riquier. Régine Lejean. C'est un grand aristocrate et je ne pense pas que Nithard ait été élevé à Saint-Riquier. Non, non. Il n'a pas été élevé par son père, de toute façon. Donc, mais par sa mère à la cour. Berthe était à la cour de Charlemagne où elle jouait un rôle très important puisque c'était la fille chérie de son père. Donc, elle n'est pas du tout à Saint-Riquier, hein. Ils ne sont pas mariés, de toute façon. Donc, elle est à la cour. La cour est en partie à Aix-la-Chapelle, mais les rois circulent de palais en palais, non pas à travers tout l'Empire, mais à travers un espace qui comprend l'espace entre Loire et Rhin, on va dire, où se trouvent les grands palais carolingiens, Francfort, Nîmes, Paris, Quercy, etc. Donc, les enfants suivent. Alors, on n'a pas de source sur la jeunesse de Nithard, mais on peut penser qu'il a très bien connu ses cousins, Lothaire, Louis, Pépin et Charles. Donc, il a reçu une éducation très soignée, l'éducation que l'on a donnée aux princes carolingiens de cette génération-là. Cela étant, au-delà de cela, on ne sait pas grand-chose sur Nithard, sinon que Louis le Pieux lui a donné des bénéfices en Lotharingie, donc la Belgique actuelle. Il devient abbé, mais abbé laïque à la fin de sa vie. C'est aussi un auteur important comme témoignage de la culture des laïcs, des grands aristocrates à l'époque carolingienne. Moi, j'arrive ici dans cette abbatiale, venant de loin, pour en prendre le devenir culturel, la réhabiliter, la retrouver son histoire, la faire vivre de manière tout à fait contemporaine. Je ne suis absolument pas au courant du tout de toute cette histoire. Mais dès mon arrivée, je fais ces 20 000 mètres carrés, donc je déambule une fois, deux fois, et je retrouve, accompagné d'une personne de Saint-Riquier, sous les toits et dans les soupentes, nous allons peut-être monter tout à l'heure, je retrouve, et je vais peut-être vous donner tout à l'heure la suite de cette histoire. Où est donc Nithar? Où est donc Nithar? On le cherche, mais on s'y perd un peu. Et ce n'est pas désagréable de se perdre à Saint-Riquier, tant l'abbaye regorge de beauté, de mystère, de surprises, d'histoire. Les dalles que vous foulez ici sont du XVIIe siècle, les murs que vous longez là sont du VIIIe. L'if qui se dresse dans le cloître a 621 ans, les reliques de Riquier en ont 1400. On monte trois marches et hop, on fait un bond de 3 siècles en avant. On ouvre une porte et paf, on dégringole 5 siècles en arrière. Bang, la porte claque. Mais de quand date le courant d'air? Alors, donc, vous avez ici un ensemble de peintures murales qui datent des environs de 1500. Ce qui est en face de nous nous montre donc tout simplement le lien qu'il y a entre Riquier et les rois de France. Le personnage qui est debout devant nous en tenue de roi de France, tenant dans sa main les clés de Saint-Pierre et dans l'autre main, ce qui est bien sûr anachronique, les évangiles de Charlemagne, c'est Riquier. Celui qui est à genoux en tenue de moine, c'est le roi de France. Donc déjà, c'est la première chose, on rappelle à tout le monde que Riquier est à l'origine de toutes les royautés franques et de la dynastie capétienne. Le panneau qui lui fait face, là par contre, on est à Reims. Et on voit un jeune roi de Valois au XIIe siècle qui vient d'être sacré. Et à partir de l'an 1000, par l'intermédiaire de la source miraculeuse de Saint-Riquier, intervient un deuxième sacrement, après le premier sacrement classique avec le Saint-Crème, etc. Le lendemain, le roi obtient un deuxième sacrement. Ce sacrement, il l'a par l'intermédiaire de Saint-Marcoul. Saint-Marcoul, c'est le seul saint guérisseur qui guérissait les écrouelles. Hugues Capet et son fils Robert le Pieux décident donc que les rois de France désormais auront ce deuxième sacrement et qu'à l'égal du Christ, ils seront non seulement des rois de droit divin, mais ils seront également des rois de thaumaturge. Et si ça se passe comme ça, c'est grâce à la source qui est à Saint-Riquier. Ce qui est important, c'est un, Riquier est à l'origine de toute la royauté franque. Deux, la source miraculeuse qui donne tous les pouvoirs, elle est là, à vos pieds. Donc Paul Christiani, maintenant, on va aller voir la source miraculeuse. Une des résurgences de cette immense source sur laquelle a été construite l'abbaye. Et pour ça, nous allons traverser les fondations du bâtiment et descendre à 15 mètres sous terre. Elle existe depuis des millénaires. C'est un lieu de culte païen très important, celtique avant l'arrivée des Romains, et probablement qu'à l'époque néolithique et paléolithique, elle était déjà un lieu de culte très important. Le choix de l'emplacement de ces monastères peut avoir été guidé effectivement par la volonté de christianiser un endroit qui possédait une sorte de vertu païenne ou de force païenne, et ça a été fréquemment le cas. Ensuite, que la population ait continué à croire, mais dans un contexte chrétien, plus ou moins superstitieux, mais enfin dans un contexte chrétien, aux vertus de la source, c'est possible et c'est probable même. Mais qu'on ait encore eu à combattre du paganisme en Picardie au IXe siècle, non. Non, non. Faites attention à la tête parce que c'est très bas. Je vous donne une lampe. Parce que bien sûr, il n'y a pas d'éclairage. Là, il faut faire très attention à la tête parce que c'est très bas. Nous sommes ici donc à 15 mètres sous terre et il fait en tout temps 12 degrés. Et là, vous avez donc le puits Saint-Marcoul. Vous pouvez la toucher si vous allongez bien le bras. 12 degrés. Se passer cette eau sur le visage pour guérir en fait donc ces ganglions qui étaient les ganglions donc de cette maladie symptomatique et parallèle à la tuberculose qui se manifestait à la base du cou. Et c'est la raison pour laquelle dans les peintures murales que vous avez tout à l'heure, dans la chapelle privée, on voit Saint-Marcoul toucher le roi de France pour lui transmettre ses pouvoirs à la base du cou. En prononçant cette phrase rituelle, le roi te touche, Dieu te guérit. Et Louis XIV, qui était très très prudent, a changé la formule en mettant un subjonctif, le roi te touche, que Dieu te guérisse. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que cette pratique thaumaturgique reprendra après la Révolution française, puisque les deux frères de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, voudront aussi apparaître comme des rois thaumaturges. Ça n'a pas très très bien marché quand même. Le roi te touche, Dieu te guérit. Ouh, j'arrive plus à m'enlever. Ça guérit pas des rhumatismes. En tout, on connaît 10 résurgences comme celle-là, y compris de bassins primitifs. On n'est pas allé voir parce que c'est un peu plus loin. Bassin primitif dans lequel les gens descendaient se baigner, hein, qui est celui qui est le plus majestueux, mais qui n'est pas le plus Saint-Marcoul, et qui est sous le parvis, en face de l'entrée donc de l'abbaye. Voilà, parvis, ça veut dire paradis. Hein. Et là où Nithard était enterré. Et là où Nithard est enterré. Nithard choisit quand même d'être enterré au plus près de la source primitive. Enterré près de la source, bien. Mais exhumé en 1989 donc, puis égaré. Nous continuons notre enquête en remontant dans l'abbaye jusqu'au comble, avec Anne Potier. Mais où est donc Nithard ? Attention là, sautez la marche. Vous voyez l'état, vous voyez là l'état des combles de l'abbaye, extrêmement abandonné. Hein, vous avez les souris, les pigeons, les squelettes de volatiles, de chauves-souris. Vous avez des cartons qui sont en l'état. Là, nous avons laissé complètement en l'état. Donc, j'arrive ici, vous voyez, c'est d'ailleurs toujours sans lumière. J'arrive avec une torche. Et vous voyez ce couloir, donc très sombre. Et donc, j'arrive ici pour la deuxième ou troisième fois où je visite ces 20 000 mètres carrés qui demandent plusieurs heures, évidemment, de visite pour découvrir l'abbaye. J'arrive ici sous les combles, avec donc dans ces conditions, avec d'ailleurs une personne, Justine Martin, qui était l'épouse d'un historien local qui venait juste de disparaître, mais qui cherchait depuis 20 ans Nithard. Et donc nous étions ensemble, et donc mon pied cogne, vous voyez, là il n'y est évidemment plus, dans un carton éventré. Et avec la lumière de la torche, je sors des sacs plastiques, et dans les sacs plastiques, des ossements. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi, tout de même avec ma lampe électrique. Et là sur le bord du carton qui était donc éventré, au stylo rouge, était écrit Nithard. Et donc, madame, donc Justine Martin, pousse un cri en disant, nous l'avons enfin retrouvé. Et j'ai dit, nous avons retrouvé qui? Je viens, elle me dit, mais Nithard, le petit-fils de Charlemagne que nous cherchons. Voilà. Il était ici, mais c'était extrêmement sale. Voilà, c'était extrêmement sale, au milieu de papier journaux, etc. C'est un carton exactement comme celui-ci, qui était ouvert avec des sortes de bulles. Et donc, j'ai pu voir, alors, sur le carton où était indiqué Nithard, une date de la poste. Il était rentré par la poste, qui indiquait une date de 1999. 18-19, c'était assez peu lisible. Donc, je pense qu'en fait, le laboratoire l'avait renvoyé après recherche, et que peut-être il est arrivé ici un jour, quelqu'un qui n'était peut-être pas là pour réceptionner, et qu'il a été ainsi, ils ont oublié, et donc en final égaré. Voilà l'histoire. En 840, Eginhard meurt dans le monastère de Seligenstadt. Ce qu'était Eginhard pour Charles Lemagne, le secrétaire du palais et l'écrivain de son histoire, Nithard le devient pour Charles le Chauve, le secrétaire du palais et l'écrivain de son histoire. Les trois petits-fils légitimés de l'empereur mort s'entre-déchirent, se disputant l'empire. En juillet 840, Charles le Chauve envoie en ambassade le comte Nithard, accompagné de l'augier, auprès de Lothaire, qui refuse tout accord avec son plus jeune frère. Nithard reçoit une commande de Charles Chauve, dont il est le proche, qui lui dit on est en train quand même de mettre en l'air l'Empire. Bernard Serkiglin. D'attaquer notre frère aîné légitime. Il faut quand même que tu racontes tout ça. Et donc le pauvre Nithard qui passe ses journées à cheval, qui combat ou qui passe des heures dans des réunions diplomatiques, le soir à l'étape, écrit, dans un latin d'ailleurs remarquable, c'est un homme extraordinaire, et il écrit avec 2 mois de retard à peu près, il écrit tout ça. Ayant souffert, vous et les vôtres, mon Seigneur, depuis déjà près de 2 ans, comme vous le savez fort bien, les attaques injustifiées de votre frère, vous m'avez commandé, avant d'entrer en la cité de Châlons, de fixer par écrit pour la postérité le récit des événements de votre temps. C'eût été pour moi, je l'avoue, une tâche agréable et opportune, si j'avais eu le loisir nécessaire pour exécuter d'une façon satisfaisante une œuvre de cette importance. Mais dans les conjonctures actuelles, si vous y remarquez quelques omissions ou négligences indignes d'une si grande entreprise, vous et les vôtres devrez me pardonner d'autant plus facilement que vous savez comment j'ai été ballotté par la tempête, ainsi que vous-même, pendant que je m'en acquittais. J'avais d'abord décidé d'omettre ce qui s'était passé au temps de votre pieux père. Mais la vérité sur vos dissensions apparaîtra plus clairement au lecteur si je rappelle sommairement certains faits qui, nous le savons, se sont déroulés de son vivant. En outre, il ne me paraît pas adéquat de passer complètement sous silence le souvenir vénéré de votre aïeul. Et c'est pourquoi le début de mon récit remontera à son règne. Nithard, conseiller de Charles le Chauve, Histoire des fils de Louis le Pieux, livre 1er, 840. Charlemagne, c'est pour Nithard une figure indépassable. Oui, oui, parce que Charlemagne, à l'époque de Nithard, Régine le Jean, donc dans ces années 830-840, est déjà devenu une sorte de figure mythique, et l'époque de Charlemagne, déjà une sorte d'âge d'or perdu, hein, puisqu'on est dans une période où les rois se disputent, hein, donc, puisqu'à partir des années 830, on entre dans une période de difficultés politiques permanentes et de conflits entre le père et les fils ou entre les frères pour le partage de l'empire que Louis le Pieux a revu en 829 pour attribuer une part à Charles le Chauve. Revenons au contexte historique, c'est simple. Ça peut se dire en 2 mots. Chez les Francs, les possessions territoriales étaient un bien que l'on partageait avant même sa mort et qui est partagé dans l'héritage. Donc Charlemagne avait décidé, dès 806, de partager ce qui était son empire, mais qu'il avait acquis à la force de son épée, entre ses fils. Et puis, ils sont tous morts, sauf un. La mort a fait l'empire. Et donc Louis le Pieux a hérité de l'Empire. Il est devenu empereur comme papa. Et Louis le Pieux était, comme son nom l'indique, très religieux, c'est un grand latiniste, et il a pensé l'idée impériale. Et donc Louis a considéré qu'il aurait un fils empereur, le premier fils, Lothaire. Voilà. Donc on était passé du partage franc à une idéologie dynastique. Lothaire était très content d'hériter de l'Empire de son papa. Alors, arrive un deuxième fils, Louis le Germanique, à qui on donne un royaume, les choses allaient bien. Jusqu'au jour où l'épouse de Louis le Pieux, ça arrivait beaucoup à l'époque, les femmes faisaient beaucoup d'enfants, elles mouraient en couche, Ermengarde est morte, et Louis le Pieux épouse Judith de Bavière, qui lui donne un fils, tardif, puisqu'il a 20 ans de différence avec ses demi-frères. Et alors là, ça devient la querelle dans la famille, parce qu'il faut maintenant 2 royaumes en plus de l'Empire, de Lothaire, vous me suivez? Et donc commencent les dissensions, les accords dans tous les sens. Dans un premier temps, les 2 frères s'allient contre le demi-frère, c'est classique. Ils sont aînés, ils méprisent le puîné. Et puis Lothaire est tellement insupportable, c'est vraiment quelqu'un de peu fréquentable. Je vous invite pas à le fréquenter. Et finalement, Louis le Germanique et Charles le Chauve s'allient. Le 21 juin 841... les 3 armées en mouvement se rencontrent entre Sens et Auxerre, autour d'un marais, le long d'un bois. Lothaire décide de partir en direction de Saint-Sauveur-en-Puisaye et établit son armée au cœur de la forêt de Fontenoy. Les 2 armées de ses 2 frères, Charles le Chauve et Louis le Germanique, ayant conclu entre eux un pacte, le contournent. Ils s'installent à Thury. Le samedi, 25 juin 841, à 8 heures de l'aube, commence la bataille de Fontenoy. Le combat s'engage dans la première lumière sur le ruisseau, le Rivolum des Bourguignons. Dès le premier assaut, Charles le Chauve, Carlet, et Louis le Germanique, Lodwig, affrontent Lothaire, Loudeur, avec une violence sans pareille. Nithard, le secrétaire du roi, non seulement assiste à toute la bataille, mais il y prend part sous le commandement du sénéchal Adalard. Nithard écrit « Immense fut le butin, immense fut le carnage. » Lothaire, les lambeaux de son armée s'enfuient, abandonnant tous les chariots. Donc, le rude combat étant terminé, comme il a été dit, Louis et Charles se mirent à délibérer en plein champ de bataille sur ce qu'il fallait faire des fuyards. Certains, poussés par la colère, conseillaient de poursuivre les ennemis. D'autres, surtout les rois, ayant pitié d'un frère et du peuple, souhaitaient de tout leur cœur pieux que, punis par le jugement divin et leur défaite, ceux-ci se repentissent de leur insatiable cupidité et, avec la grâce de Dieu, devinssent à l'avenir unanimes à rechercher la véritable justice. Ils conseillaient, en cette affaire, de s'en remettre à la miséricorde divine. Le reste de l'armée y consentit, cessa le combat et le pillage, et rentra au camp vers le milieu du jour, afin de délibérer sur le meilleur parti à prendre. Nithard, Histoire des fils de Louis le Pieux, livre 3e, 842. Cette bataille de Fontenoy, c'est donc les deux frères contre l'aîné, enfin le frère et le demi-frère contre l'aîné. C'est ça, voilà. Et la défaite de Lothaire est interprétée comme ce qu'on appelle une ordalie, c'est-à-dire un jugement divin. C'est une ordalie. Lothaire s'enfuit, et d'ailleurs les deux frères sont bien coupables à mon avis, parce qu'au lieu de rattraper Lothaire, de lui crever les yeux et le mettre dans un couvent, ce qu'on faisait normalement à l'époque, ils enterrent leur mort et donnent un tédéum, ce qui est ridicule, car Lothaire du coup va reprendre du poil de la bête quelques temps après. Et donc les deux demi-frères s'allient. Une commission, on dirait aujourd'hui, d'une douzaine de personnes, et moi je mets Nithard là-dedans, bien sûr, travaille au partage de l'Empire. Mais comment partager l'Empire en trois? On ne dispose pas de cartes, naturellement. Et quand on connaît un peu le terrain, comment échanger une forêt giboyeuse contre une plaine à blé, vous voyez? Et quelqu'un, appelons-le Nithard, a l'idée de prendre la réalité linguistique. Car en gros, Charles le Chauve avait des possessions en Aquitaine, donc se dessine une Francia occidentalis qui serait en gros romanophone, francophone on dirait aujourd'hui. Hein. Et Louis le Germanique, comme son nom l'indique, avait des possessions dans toute la partie germanophone. Et donc, on décide de prendre les langues comme outil de séparation. Et ce qui est le coup de génie, c'est de les prendre aussi comme symbole. Donc en 842, à Strasbourg, en février, les deux frères se rencontrent et décident de s'allier. On passe donc d'une victoire militaire de fait à un accord politique et diplomatique. Ils décident de s'allier. Et les intellectuels qui les entourent leur suggèrent de jurer dans les langues romanes. C'est-à-dire que chaque prince va jurer, et c'est très fort, dans la langue de l'autre. Donc Louis le Germanique va jurer en proto-français, et Charles va jurer en langue germanique pour dire à l'autre, eh bien, je reconnais que ton territoire, c'est celui qui parle cette langue-là. Et avant que les princes jurent, ils donnent une harangue à leurs troupes pour expliquer ce qu'ils vont faire. L'un en langue romane, l'autre en langue germanique. Vous savez à combien de reprises, après la mort de notre père, Lothaire s'est efforcé de nous anéantir. En nous poursuivant, moi et mon frère ici présents jusqu'à extermination. Puisque ni la fraternité, ni la foi chrétienne, ni aucune autre raison ne pouvait aider en respectant la justice à maintenir la paix entre nous, contraints par la nécessité, nous avons soumis l'affaire au jugement du Dieu Tout-Puissant, prêts à nous incliner devant son verdict touchant les droits de chacun de nous. Malgré cela, mécontent du jugement de Dieu, il ne cesse de nous poursuivre à main armée, moi et mon frère ici présents, et porte la désolation chez notre peuple en incendiant, pillant, massacrant. C'est pourquoi, poussés par la nécessité, nous nous réunissons maintenant. Et parce que nous croyons que vous doutez de la constance de notre foi et de la fermeté de notre fraternité, nous avons décidé de prêter ce serment l'un à l'autre en votre présence. Et Nita, comme tout le monde à l'époque, tout le monde jusqu'à lui, rapporte ce discours en latin. Forcément, puisque à l'époque, écrire, c'est écrire du latin. On n'a jamais écrit une langue vulgaire. Donc, il rapporte la harangue en latin. Et il la rapporte qu'une fois, puisque pourquoi la traduire deux fois? Donc là, on est encore dans le latin. Écrire, c'est écrire en latin. Et puis, quand ces harangues furent terminées, eh bien, Louis le Germanique, qui était l'aîné, prit la parole en langue romane. Et puis, soudain, dans cet horizon de latin, dans cet océan de latin, quelque chose d'autre. Et c'est du proto-français. Pro Deo Amour, et por Christian Pablo e nostro common salvament, dis di en avant, in can Deus podir e saveir me donait, si salverege, sis meon frad Carl, en in adiuda et in caduna cause, si com on perdereit, son frad salvar dift. Ino quid, il mir autolessi fas, et abluter. Nul plaine nunquem prendre qui met en vol, sis meon frad Carl, in damne sait. Je traduis. Alors, pour l'amour de Dieu et le salut du peuple chrétien et notre propre salut, à partir de dorénavant, pour autant que Dieu me donne le savoir et le pouvoir, je protégerai mon frère Charles ici présent. Je le protégerai et en aide physique et en aide intellectuelle, comme on doit soutenir son frère. Au passage, c'est un petit peu audacieux parce qu'ils sont en train de faire la peau à Lothaire qui est leur frère aîné. Passons. Et là où ils sont rusés, on ajoute « Ino quid il mi autre sifat pour autant qu'il fait pareil pour moi ». Donc on a vraiment là des mafieux qui sont en train de passer un accord. Bon, et avec Lothaire, je ne prendrai aucun accord qui, à mon escient, soit dommageable à ce frère. Ça a été, comme disent les énarques, bien bordé par les collaborateurs et les conseillers, dont notre ami Nitar. Ainsi, un jour d'hiver, un vendredi, le 14 février 842, le Français et l'Allemand se retrouvent-ils côte à côte, à la fois dans une plaine d'Alsace et à l'intérieur d'une chronique qui, elle, est rédigée pour l'essentiel en latin, sous la plume d'oie de Nitar, le secrétaire palatial, sur une peau de veau soigneusement épilée, raclée, blanchie. Cette page de Nitar, c'est la pierre de rosette trilingue de l'Europe. Argentariae sacramenta, Strasburger Heide, serment de Strasbourg. Pour moi, c'est la naissance du français. Parce que les linguistes se demandent depuis longtemps, depuis quand a-t-on cessé de parler latin, depuis quand parle-t-on français ? Je répondrais, on parle français depuis qu'on l'écrit. C'est-à-dire que depuis qu'on a la perception que c'est une langue autre, qu'on la monumentalise, qu'on la rend mémorable et qu'on la dépose sur le parchemin. À l'époque, déposer la langue vulgaire, ça coûte cher, un parchemin. Ça coûte très très cher. Et donc, ce que Nitar signe, c'est la naissance du français écrit, du français mémorable, monumental. De la pluralité des parlures, car on devait parler du proto-picard, du proto-normand, etc. Bien sûr, il fait une langue qui est mémorable. On lui doit beaucoup. C'est pour ça qu'on peut à bon droit dire c'est le premier écrivain de langue française, même s'il a écrit ou il a cité, mais disons, il a écrit quelques lignes dans un récit en latin. Il a compris le rôle des langues vulgaires, il a compris leur valeur, il a compris la signification politique qu'elles avaient, et il a compris qu'il fallait les rendre mémorables, ce qu'il a fait. Rares les sociétés qui connaissent l'instant de bascule du symbolique, la date de naissance de leur langue, les circonstances, le lieu, le temps qu'il faisait. la contingence de l'origine, le français a cette chance. L'Empire fut partagé en trois vastes parts égales. L'Europe actuelle s'y vit déjà, et dans cette étrange contingence de l'origine, dans cette haleine étrange et blanchâtre qui monte des lèvres, dans cette neige qui tombe du ciel, toutes les guerres qu'elle a connues et les compétitions qu'elle connaît encore y sont écrites. Je pense qu'ils ont une conscience très profonde du fait que ces guerres sont anormales et qu'il faut, autant que faire se peut, rétablir la concorde qui conditionne la paix et le salut du peuple qu'ils ont à gouverner, ce à quoi ils sont parvenus en 843, et ils établissent ensuite un régime qu'on appelle le régime de la fraternité, justement. L'Empire est divisé en royaumes, mais il y a toujours un empereur, qui est Lothaire, et les frères doivent gouverner selon ce régime de la fraternité, c'est-à-dire comme des frères, ce qui n'empêche pas des heurts, des conflits, etc. Mais l'idéal, c'est celui de l'entente et de la fraternité. Ils arrivent pour déplacer le squelette l'amener jusqu'à l'abbatiale. Nous attendons. Nithar est là. Nous voilà, 1200 ans après, dans le bureau de l'abbaye de Saint-Riquier, où sous une vitrine en verre sont disposés ses ossements. Il manque quelques côtes et une ou deux vertèbres. Tel tibia ou telle clavicule proviennent peut-être de quelqu'un d'autre. On parle d'une femme ou d'un enfant. Mais le crâne est bien là, et l'empreinte du coup de hache est bien nette. Nithar est chez lui, à Saint-Riquier. Allez-y, mais alors, donc voilà, attention à la marche, évidemment. Oui. Nous allons, dès ce soir, le transporter dans l'abbatiale et lui rendre hommage avec une création de Pascal Quignard et de Luc Péton. Et donc, il va tout à l'heure donc se déplacer dans l'abbatiale pour que tous les spectateurs de cet hommage qui lui est rendu à travers le texte, notamment de Pascal Quignard, mais puissent passer devant son squelette. Voilà. Ensuite, il va repartir dans des laboratoires pour des analyses beaucoup plus fouillées, parce qu'effectivement, il semblerait que l'ADN du crâne donc de Nithar soit peut-être le seul dont on puisse être absolument sûr au niveau disons de la famille carolingienne. Non seulement il me serait agréable, comme je l'ai dit, de sursoir à mon œuvre de narrateur, mais encore mon esprit anxieux, assiégé par les disputes, cherche sans repos le moyen d'échapper complètement à la politique. Mais de toute façon, il faut qu'il soit vissé sur le devant. Ouais, néanmoins, comme la fortune a uni mon sort à tout ce qui se passe dans les deux camps, et que je me trouve ballotté à ma grande affliction parmi de terribles tempêtes, j'ignore en réalité absolument quel port j'aborderai. En attendant, toutefois, si je trouve quelque répit, quel inconvénient y a-t-il à ce que je m'occupe de fixer par écrit pour en conserver la mémoire, ainsi qu'on me l'a commandé, les actes de nos princes et grands. Je m'attacherai donc à rédiger cette quatrième partie, et si je ne puis, ce faisant, influer utilement sur le cours des événements futurs, je contribuerai cependant par mon travail à dissiper pour la postérité les ténèbres de l'erreur. Nithar, Histoire des fils de Louis le Pieux, livre 4e, 843. Le quatrième livre a un ton plus personnel. Il est clair que Nithar est fortement déçu par l'attitude de Charles le Chauve, qui ne lui a pas rendu ce qu'il espérait retrouver, étant donné la fidélité qu'il avait montrée à l'égard de Charles. Et ce sera pour lui une grande déception, parce que Charles le Chauve ne lui redonne pas ses bénéfices, alors même que la région dans laquelle se trouvaient les bénéfices de Nithar devient la part de Charles le Chauve. Et Charles, qui est un homme politique avant tout, choisit surtout de lui donner autre chose qui manifestement ne convient pas tellement à Nithard. Saint-Riquier. Saint-Riquier, oui. Je sens chez Nithard une sorte d'échec personnel, de fait. Hein. Il avait des terres outremeuses que son patron, Charles le Chauve, n'a jamais voulu récupérer pour lui. Ce grand prince est réduit un peu à l'état de scribe, mais d'un scribe merveilleux, c'est un écrivain. Il y a chez Nithard un sentiment de la dualité, du fait que les choses n'arrivent pas à être uniques, et que l'Empire et le latin sont fragiles. Il y a un sentiment de la fragilité, d'où un sentiment très fort des langues régionales. Merci à Régine Lejean, Anne Potier, Pascal Quignard, Paul Christiani, Jacques Dulfy et Bernard Cerchiglini. Pour le plaisir du bon Dieu, et puis pour le salut de ce peuple chrétien, puis le vote, à que m'acheter des jours-là, pour autant que le bon Dieu, il m'a donné le savoir et puis le pouvoir, et soutarer ma frère Charles, qu'il est là, et puis il m'a eu de matériel à tout moment, comme on doit justement soutenir et courir sa frère, à condition qu'il n'affouche autant, et puis qu'il ne prenne au poids d'arrangement avec l'auteur, avec moi, ou bien contre ennemi, et de ma frère Charles. Lecture de l'histoire des fils de Louis le Pieux, Guillaume Marquet. Prise de son, Manon Houssin, Bruno Gagnère-Fontanille et Stéphane Poitvin. Mixage, Olivier Dupré. Un crâne fendu et quelques lignes pour la postérité. Dernière nouvelle de Nithard. Un documentaire de Victor Massé de Lépinay et Véronique Samouilov. Demain, nous continuons dans la fabrique de l'histoire, notre histoire de la langue française, et nous débattrons de la création de mots, de nouveaux mots, les mots de la technique, création qui fait fureur au 19e siècle, au moment de ce qu'on a appelé la révolution industrielle. Comment créait-on des mots? Comment a-t-on imaginé les nouveaux mots de la technique, du transport, etc., etc.? C'est ce dont nous débattrons demain dans la fabrique de l'histoire. Entre-temps, vous pouvez écouter ou réécouter cette émission, ainsi que toutes les autres, sur le site internet de France Culture, tout nouveau, tout beau, franceculture.fr.